إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، نواصل قراءتنا في كتاب التوحيد الذي ألفه الإمام البخاري رحمه الله تعالى، سائلين الله المولى أن ينفعنا بهذا العلم وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل، كما نسأله جل وعلا الثبات والتوفيق وأن يجعلنا من الفائزين في هذه الدنيا وفي الآخرة. وبعد، donc on va continuer inchallah sur l'étude d'un nouveau chapitre. Donc la fois dernière on avait commencé l'étude d'un nouveau chapitre qui était Babu Muqallib al-Qulub, comme dit l'imam al-Bukhari, l'auteur, et des chapitres concernant celui qui tourne les cœurs. Ensuite, il a fait référence, allusion à un verset, lorsqu'il dit « Wa qawlillahi ta'ala wa nuqallibu af'idatahum wa abasarahum. Wa nuqallibu af'idatahum wa abasarahum. » Et dans ce verset, on avait dit que c'était le verset 110 de Surat al-An'am, Allah dit que c'est lui... Et il dit, nous tournons les cœurs, leurs cœurs et leurs vues. Une traduction relative. Et donc, on va expliquer ça dans ce qui va suivre. Donc, on avait expliqué le sens de cela. Que l'auteur nous enseigne qu'Allah, Jalla wa Ala, est celui qui tourne les cœurs. Muqallib al-Qulub. On avait expliqué le sens de cela. Ce n'est pas le sens perceptible qu'il faudrait comprendre. Que le cœur change de position. C'est-à-dire que la position de côté gauche prendrait la position ou le côté droit. Ou l'inverse, la position supérieure ou le côté supérieur du cœur prendrait la position du côté inférieur. Ce n'est pas dans ce sens-là qu'il faut le comprendre, mais le comprendre que Allah Jalla wa Ala est celui qui tourne les cœurs dans le sens. Allah Subhanahu wa Ta'ala est celui qui change les volontés et les intentions qui se trouvent dans les cœurs de ces personnes. Donc c'est lui qui transforme ces volontés-là, ces intentions-là en quelque sorte. Donc Allah Jalla wa Ala fait ce qu'il veut avec les cœurs de ses serviteurs. Et c'est pour cela que on avait expliqué cela dans l'explication et dans la dernière allocution concernant le cours de Kitab At-Tawhid. Donc l'auteur du commentaire nous dit, de ce fait on a compris que فَلَا يُمْكِنْ لِأَحَدٍ أَنْ يُقَلِّبَ قَلْبَ أَحَدٍ لأن مقلب القلوب هو الله وهذا وصف لا يصح إلا لله عز وجل. Et donc on avait compris donc que ça c'est quelque chose qui est propre à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est quelque chose de spécifique à Allah. Le fait qu'Allah jalla wa ala c'est lui qui a l'emprise sur les cœurs et donc c'est lui qui tourne les cœurs subhanahu wa ta'ala et personne d'autre que lui peut cela. Et de ce fait l'utilité, le profit que le serviteur, que le croyant a en connaissant cela et en reconnaissant le fait qu'Allah Jalla wa Ala est celui qui est Muqallib al-Qulub, cela va le mener à s'orienter vers Allah, à demander à Allah subhanahu wa ta'ala, à implorer à Allah subhanahu wa ta'ala la guider et implorer à Allah Jalla wa Ala la réforme ou l'amélioration de sa situation et de son cœur. Donc la réforme de son cœur, lorsqu'il veut cela, lorsqu'il désire cela, il implore donc Allah subhanahu wa ta'ala. Ainsi, hein, celui qui désire un cœur pur, plein de bonnes intentions, alors il implore Allah subhanahu wa ta'ala. À savoir que le cœur, c'est Malikul Jasad, c'est le roi du corps. Donc, il a l'exemple d'un roi, le cœur, par rapport au corps. Et si ce cœur est bon, est réformé, alors c'est tout le corps qui sera bon. C'est pour ça l'importance que le serviteur, le croyant dans cette vie d'ici-bas, s'efforce toujours à garder son cœur en vie, en bonne santé, et d'être toujours attentif sur l'amélioration de son cœur, et de toujours avoir des bonnes intentions. Et donc, de ce fait-là, la personne doit toujours s'orienter et demander à Allah, subhanahu wa ta'ala, demander à celui qui peut tourner les cœurs. Et donc, demander à Allah, Jalla wa Ala aussi, qui protège, qui préserve notre cœur de toute mauvaise influence. Et ça, c'est important. Et donc, on avait fait un rappel sur ça dans l'avant-dernière allocution. Et donc là, on va continuer à comprendre. Donc là, on avait expliqué la fois dernière le sens de Muqallib al-Qulub. Et on avait dit aussi que le prophète sallam multipliait cette invocation. Et il demandait constamment à Allah Jalla d'affermir son cœur sur sa religion. Et donc on avait dit qu'il nous a rapporté dans un hadith que parmi les invocations que le prophète multipliait, mais vraiment très fréquemment, c'était vraiment fréquent, et très fréquemment ça fait partie des invocations que le prophète disait le plus. Ya munqalib al-qulub, thabbit qalbi ala dinik. Ô toi, celui qui tourne les cœurs, affermis mon cœur sur ta religion. Une traduction approchée. Et donc ça, le croyant doit s'efforcer d'imiter le prophète sur ça, c'est-à-dire de demander fréquemment Allah Jalla, d'implorer fréquemment Allah Jalla, de l'invoquer avec cette invocation. Ya munqalib al-qulub, thabbit qalbi ala dinik. Et là, donc maintenant, on va continuer, mais maintenant sur l'explication du verset. Pourquoi? Parce que la fois dernière, on a expliqué l'intitulé du chapitre, Babu Muqallib al-Qulub. Donc l'auteur, lui, l'imam al-Bukhari, avait cité en guise de titre à ce chapitre, chapitre concernant Muqallib al-Qulub, celui qui tourne les cœurs. Et c'est qu'ensuite qu'il va mentionner le verset. Donc aujourd'hui, on va parler au sujet du verset qu'a mentionné l'imam al-Bukhari. Et donc là, ça convient avec les circonstances, le fait qu'au mois du Ramadan, il faut se rappeler les versets d'Allah, il faut lire le Coran, et il faut méditer donc les versets d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc le fait à chaque fois que, par exemple, dans une assise, on étudie un verset, en essayant de comprendre ce verset, eh ben, c'est propice avec les circonstances, le fait qu'on soit en mois du Ramadan, et il est bon de méditer les versets. Et donc dans ce verset, on a dit que c'est le verset 110 de Sourate Al-An'am, la Sourate les Bestiaux. Où Allah Jalla nous dit, wa nuqallibu af'idatahum, et on tourne leur cœur, wa absarahum. Absarahum, on va essayer de comprendre, là on va dire, et leur vue. Pourquoi? On pourrait traduire de cette manière. Pourquoi? Parce que ici, l'auteur du commentaire va nous dire, donc af'idatahum, le sens est clair. Af'idatahum, c'est le pluriel. Af'idatahum, donc là, ça veut dire leur cœur. Donc c'est le cœur, le sens, il est clair. Donc, af'idatahum, dans le sens, ay qulubahum, qulubahum. Donc, c'est, comme on l'a dit précédemment, le sens, il est clair, c'est les cœurs. Le pluriel de al-fu'ad, al-fu'ad. Maintenant, wa absarahum. Donc, Allah Jalla nous dit dans ce verset, donc vous avez vu, le verset, dans Sourate les Bestiaux, confirme ce qui est dit dans la sunna. Qu'Allah Jalla est celui qui tourne les cœurs. Donc, ce verset-là, il est pertinent que l'imam al-Bukhari l'ait mentionné. Pourquoi? Parce que ce verset confirme ce qui est mentionné dans la sunna, qu'Allah Jalla est celui, justement, qui tourne les cœurs, et celui qui a l'emprise sur les cœurs des êtres. Et, wa abasarahum, dans la langue arabe, si on observe, on pourrait supposer le sens, ça serait le pluriel, al-abasar, ici le pluriel de basira, le pluriel de, en quelque sorte, du terme qui est la clairvoyance, en quelque sorte. Donc ça serait, on pourrait supposer que ça serait le pluriel de basira, la clairvoyance. وَإِنْ كَانَ هَذَا خِلَافَ الْمَعْرُوفِ. Même si ça contredirait ce qui est plus connu. Ce qui est plus connu. Pourquoi? Parce que ce qui est plus connu, c'est que le pluriel de basira, son jama, son pluriel, c'est basair. Donc en arabe, le pluriel de basira, la clairvoyance, son pluriel, c'est basair. Et ce terme-là, vous le retrouvez, basair, dans le Coran, vous le retrouvez. Ces deux termes, aussi bien basira que basair, vous retrouvez ces deux termes mentionnés dans le Coran. Et on pourrait supposer alors, que abasarahum serait le pluriel en arabe de basar, plutôt. Serait le pluriel de basar. Et donc, kasabab wa asbab. Wa basar wa abasar. Comme le terme sabab. Vous avez vu en arabe le terme sabab qui veut dire cause. Donc on a sabab au singulier. On a asbab, asbab, les causes, dans un sens, hein, au pluriel. De même, ça serait le même schéma, le même modèle, le terme basar wa abasar. Basar wa abasar. Et donc, c'est pour ça que l'auteur du commentaire, lui, penche plus que Abassar, c'est viendrait ici comme pluriel de Bassar. Pourquoi? Parce que, comme on va le voir, certains savants, eux, ont penché à travers leur exégèse et à travers leur explication du verset, on peut comprendre d'une manière apparente qu'ils penchent plus vers le fait que ça serait plutôt le pluriel de Basira. Mais lui, Cheikh Ibn Al-Uthaymeen, dit que plutôt ce qui est connu, le pluriel de Basira, c'est Basair. Donc ici, Ebsar, ça serait plutôt le pluriel de Basar. Et lui, Cheikh Ibn Al-Uthaymeen, penche vers cela. C'est pour ça qu'ensuite, Cheikh Ibn Al-Uthaymeen va l'expliquer. Donc si on dit, et donc ce qui est clair, c'est que Ebsar, c'est le pluriel de Basar. Donc Allah dit qu'il tourne les Ebsar. C'est pour ça qu'il est important de bien comprendre le terme. Le premier terme, qu'Allah tourne les cœurs, on l'a compris. Et c'est confirmé en plus dans la Sunna. Donc le sens est clair et manifeste et évident. Tandis que Ebsar, maintenant, pour bien le comprendre, donc c'est le pluriel de Basar. Quel est le sens alors de cela? Le sens est Taqlib al-Basar. En yusraf al-Basaru, en yusraf al-Basaru min al-Nazar ila al-Ta'at. إلى النظر إلى المعاصي وهذا من تقريب الأبصار والعياذ بالله فالله عز وجل هو الذي يقلب القلوب والأبصار قال جل وعلا ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة وقوله تعالى كما لم يؤمنوا به أول مرة الكاف هنا للتعليل أي لكونهم لم يؤمنوا به أول مرة ونظرهم في طغيانهم يعمهون ونظرهم في طغيانهم يعمهون هذا تهديد تهديد عظيم للإنسان الذي لا يقبل الحق أول ما يريد إليه أول ما يريد إليه فهو لا يقبل الحق فإن الإنسان الذي لا يقبل الحق أول ما يريد إليه يخشى أن يبتلى بهذه البلاوة أو بهذه البلوى وهي أن يقلب قلبه ولا يهتدي للحق لأنه رده أول مرة إذن بين الله عز وجل أنه يقلب أفئدتهم وأبصارهم وأن لهذه التقليب أو وأن لهذا التقليب سبب وهو أنهم لم يؤمنوا به أول مرة ويدل لهذا قول الحق تبارك وتعالى بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أي يختلط عليهم الأمر ثم لا يتبين لهم وجه الصواب فيه ولهذا يجب على الإنسان من حين أن يتبين له الحق أن يقبله ويأخذ به حتى يهدى لحق آخر حتى يهدى لحق آخر أما إذا رده أو تردد فيه فإنه على خطر عظيم أن يبتلى بهذا البلوى نسأل الله لنا ولكم السلامة وما ألذ رجوع الإنسان رجوع الإنسان إلى الحق حتى إن الإنسان إذا رجع إلى الحق وإن كان خلاف ما يقوله أولا يجد في هذا لذة لذة عظيمة لأن الله فتح على قلبه لأن الله جل وعلا فتح على قلبه حيث آمن بالحق أول ما جاءه إلى Cheikh Ibn Al-Uthaymeen, ensuite l'auteur du commentaire, nous explique quelque chose de très important. Maintenant, on va essayer de bien comprendre. Donc, j'ai avancé en arabe pour qu'on puisse avancer dans l'explication. Donc, regardez maintenant, lorsqu'Allah Jalla Ala, dans ce verset, dit qu'il est celui qui tourne les cœurs, leur cœur et leur abasar, littéralement en arabe, wa abasarahum. Comment on comprend cela? Donc, taqlib al-basar, c'est-à-dire qu'Allah Jalla Ala peut détourner leur vue, ce qu'ils voient. C'est-à-dire, alors qu'il leur regard se pose sur l'obéissance, leur regard est dirigé vers l'obéissance, ensuite leur regard peut être dirigé vers la désobéissance. Et là, l'auteur du commentaire, Cheikh Ibn Al-Uthaymeen, regardez, c'est une précision, c'est un enseignement très subtil, il nous dit que le fait que la vue soit détournée, c'est dans ce sens-là. Alors que, par exemple, la personne, alors que sa vue, son regard est tourné en direction de l'obéissance, Ce qu'il voit, c'est l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Cela peut être détourné et tourné du fait qu'il, ensuite, son regard peut être dirigé vers la désobéissance. Et ce qui déplaît à Allah subhanahu wa ta'ala, et qu'Allah nous en préserve. Fallahu azza wa jal huwa alladhi yuqallib al-qulub wal-abasar. Donc on comprend dans ce verset qu'Allah jalla wa ala est celui qui détourne les cœurs et la vue, cette vision-là. Et si on a compris ça, c'est pour ça que vous allez trouver dans certaines traductions du verset, certains le traduisent, et c'est nous qui détournons leur cœur et leurs yeux. Leur cœur et leurs yeux. Donc là, vous comprenez lorsqu'il est dit leur cœur et leurs yeux. Maintenant, vous comprenez l'explication de cela comme l'explique Cheikh Al-Uthaymeen, rahimahullah. Mais pour mieux comprendre ensuite le sens que nous explique l'auteur du commentaire, pour mieux comprendre ça, il faut revenir à ce qui est dit ensuite dans le verset. Pourquoi? Parce que ça, l'imam al-Bukhari, cette partie du verset qui a été mentionnée et citée par l'auteur, l'imam al-Bukhari, c'est une partie du verset. Mais il n'a pas cité dans sa complétude. Il a cité juste la partie wa nuqalibu af'idatahum wa absarahum. Donc nous détournons leur cœur et leur clairvoyance ou leurs yeux. C'est beaucoup traduit par leurs yeux, leur vue, si vous voulez. Et pour mieux comprendre le verset, il faut prendre la suite du verset. Et à la suite du verset, Allah Jalla wa Ala nous dit kama lam yu'minu bihi awwala marra. Comme ils n'ont pas cru en lui la première fois. Et ensuite, Allah Jalla wa Ala dit وَنَظَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ. Donc la complétude du verset, on cite la suite du verset, pour ça la traduction, beaucoup l'ont traduit comme cela, pour bien comprendre maintenant le sens de cela. Parce qu'ils n'ont pas cru la première fois, nous détournerons leur cœur et leurs yeux. Nous les laisserons marcher aveuglément dans leur rébellion, en quelque sorte. Voilà une traduction du verset rapprochée du sens. Et si vous voulez, regardez, là on a la cause. Allah a détourné leur cœur et leurs yeux parce qu'ils n'ont pas cru la première fois. Kama lam yu'minu bihi awwala marra. Comme ils n'ont pas cru la première fois, alors nous détournons leur cœur et leurs yeux. Vous avez vu le fait de ne pas croire en la vérité lorsqu'elle nous est exposée devant nous, elle est face à nous, le fait de ne pas reconnaître cette vérité, alors il y a une sorte ici de ce qu'on appelle tahdid. Allah Jalla wa Ala nous dit que ça peut être la cause que les cœurs et les yeux peuvent être détournés. Et donc Allah Jalla wa Ala tourne leur cœur et leurs yeux. De ces gens qui n'ont pas cru la première fois en la vérité. Et c'est pour cela que dans la langue arabe, si vous observez dans le verset, lorsqu'il dit Kama lam yu'minu bihi awwala marra. Al-kaf, ici, le kaf, huna lit-ta'lil. Donc, kama, vous avez vu, il y a un kaf. Ça, c'est lit-ta'lil. C'est pour la cause, l'objectif. Hey, pourquoi? Likaunihim lam yu'minu bihi awwala marra. Pour cause qu'ils n'ont pas cru en lui la première fois. Allah Jalla wa'ala dit, nous les laisserons marcher aveuglément dans leur rébellion. Traduction relative, وَنَظَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ. Vous avez vu, pour comprendre l'essence, une manière hein, de méditer l'essence pour comprendre réellement et véritablement l'essence dans le Coran. وَهَذَا تَهْدِيدٌ عَظِيمٌ لِلْإِنسَانِ. C'est pour ça que l'auteur du commentaire ensuite nous dit, et ça c'est une sorte, en quelque sorte, de menace qui est très grande. C'est un danger qui est très grand, qui est exposé à l'individu, à l'homme. À l'homme qui, celui dont, qui n'accepte pas la vérité la première fois que celle-ci lui est exposée, et lui est évoquée, mentionnée. Alors l'auteur, Cheikh Al-Uthaymeen, nous dit, cette personne, lorsque la vérité lui est exposée, et elle est face à lui, hein, pour la première fois, alors il faut qu'il l'accepte. Et s'il ne l'accepte pas, alors on craint pour lui cette grande épreuve, qu'il soit éprouvé par cela, et qu'il soit touché par cela, et que ce malheur l'atteigne, c'est-à-dire que son cœur soit tourné. Wala yahtadi lil haqq. Et donc, ça voudrait dire qu'ensuite, il ne trouvera pas la guider vers la vérité. Et donc, ce cœur ne sera pas guidé vers la vérité. Et ça corrobore exactement ce qu'on a expliqué dans la première allocution, lorsqu'on a expliqué le sens du hadith, Yam Qalib al-Qulub. Muqalib al-Qulub. Donc lorsqu'on a compris qu'Allah Jalla wa Ala est celui qui tourne les cœurs, et qu'Allah Subhanahu wa Ta'ala est celui qui guide vers le droit chemin, donc l'individu a besoin de s'être guidé. Et donc, lorsque la guidée, la vérité nous est exposée, elle est face à nous, il faut l'accepter. Dans le sens qu'il ne faut pas s'enorgueillir. Il ne faut pas s'enfler d'orgueil lorsqu'on est face à la vérité. Pourquoi? Parce que, comme on va l'apprendre dans ce qui va suivre, beaucoup sont éprouvés du fait que lorsqu'ils savent, parce que beaucoup, lorsque la vérité leur est exposée, ils savent que c'est la vérité. Donc beaucoup, en réalité, au fond d'eux, même s'ils ne l'admettent pas d'une manière apparente, mais au fond d'eux, beaucoup savent que ce qu'il y a devant eux, c'est la vérité. Et ce qui est face à eux, c'est la vérité. Mais beaucoup n'admettent pas cela et n'avouent pas cela. Ils ne veulent pas reconnaître la vérité. Et on peut le voir hein, dans la vie courante. Ça se fait dans de nombreuses situations. Parfois, la personne, il est face à la vérité, mais du fait de son amour-propre, par exemple, par vanité, par orgueil ou autre, alors il ne veut pas avouer cette vérité. Donc il va essayer de polémiquer, d'argumenter pour contrecarrer cette vérité. Alors qu'en réalité, ça fait partie des valeurs, des bonnes valeurs morales et de la grandeur d'âme du fait d'accepter la vérité, comme on va le voir dans ce qui va suivre. Et donc de ce fait, celui qui n'accepte pas la vérité la première fois qu'elle lui est exposée, comme Allah Jalla wa Ala, regardez ce qu'il nous dit dans ce verset, la traduction relative du sens, un verset qui est immense, parce qu'ils n'ont pas cru la première fois. Nous détournerons leur cœur et leurs yeux. Nous les laisserons marcher aveuglément dans leur rébellion. Et donc, l'auteur du commentaire, Cheikh Ibn Al-Uthaymeen, nous dit, donc celui qui n'a pas accepté la vérité alors qu'elle lui est exposée, alors on craint pour lui cette épreuve et ce malheur du fait que son cœur soit détourné. Pourquoi? Parce qu'il a réfuté cela. Cette vérité-là, il l'a rejetée la première fois. Idan, بين الله عز وجل أنه يقلب أفئدتهم وأبصارهم وأن لهذا التقليب سبب وهو أنهم لم يؤمنوا به أول مرة. Et donc, pour conclure ici, cette sorte de thèse, c'est qu'Allah Jalla a clarifié dans ce verset qu'il est celui qui détourne leur cœur et leurs yeux. وأن لهذا التقليب et que la cause en quelque sorte de ce détournement, si on peut dire de la sorte, ou c'est le fait qu'ils n'ont pas accepté la vérité la première fois qu'elle leur a été exposée. Et on a un autre verset justement qui prouve cela, c'est lorsqu'Allah Jalla dans un verset nous dit bal kadhabu bil haqqi lamma ja'ahum fahum fi amrin marij. Dans Surat Qaf, le verset 5, Allah Jalla nous dit que lorsque la vérité leur est venue, ils l'ont démenti. Bel kadhabu bil haqqi lamma ja'ahum. Mais ils ont démenti la vérité lorsque celle-ci leur est venue. Ensuite, Allah dit, si bien qu'ils s'en sont retrouvés fort embarrassés. Une traduction impossible, sens du verset. Donc regardez dans ce verset, c'est le verset 5 dans ce passage coranique, si on peut dire. Regardez, Allah Jalla wa Ala nous dit, mais ils ont traité de mensonge la vérité quand elle leur est parvenue, si bien qu'ils se sont retrouvés fort embarrassés. Quel est le sens de « ils se sont trouvés fort embarrassés » Donc ça, c'est une traduction approximative. Dans le sens ici, Cheikh Ibn Al-Uthaymeen va nous expliquer « Hey, yartalitu alayhim al-amr, thumma la yatabayyanu lahum wajhu as-sawab fihi. » L'affaire va tellement être confuse pour eux, c'est dans ce sens que tellement que ça va être confuse et ça va se mélanger pour eux, alors la justesse ne va pas apparaître à leurs yeux. C'est-à-dire le juste, le bon, la clairvoyance ne va pas apparaître à leurs yeux. Ils seront dans la confusion. Pourquoi? Bel kadhabu bil haqqi lamma ja'ahum. Pourquoi? Parce qu'ils ont démenti la vérité lorsqu'elle leur est parvenue, lorsqu'elle leur est venue. C'est pour ça que Charles Atemine ensuite va nous dire, et ça c'est très important, c'est une notion très importante. Pardon. Donc là, Cheikh, il nous dit Pour cela, il incombe à la personne, c'est vraiment important, il est obligatoire que lorsque la vérité lui parvient et lorsque cette vérité est claire, alors il faut l'accepter. Quoi qu'il en soit, à n'importe quel prix, quel que soit le prix, il faut l'accepter cette vérité. Et donc ensuite qu'il s'attache à cette vérité. Pourquoi? Parce que là, c'est une notion très importante ensuite. Regardez cet enseignement. C'est que lorsque vous allez accepter cette vérité, alors vous serez guidé vers une autre. Et vous serez guidé vers une autre vérité. Jusqu'à ce que ce cœur-là soit bon et soit sur la vérité. Par contre, à l'inverse, lorsque la personne repousse, réfute, n'accepte pas la vérité, alors, ou bien il hésite concernant l'acceptation de la vérité, alors il s'expose à un grand danger, un danger énorme, c'est qu'il soit éprouvé par ce malheur qui est immense, l'égarement, et donc le fait qu'Allah Jalla wa Ala tourne son cœur et ses yeux. Et là, on peut se rendre compte de la gravité. On peut se rendre compte de la gravité. Et beaucoup minimisent cela. Donc le fait que lorsque la vérité est exposée, il faut l'accepter. Sinon, la personne, il s'expose à un danger. À un danger. Il se met en danger, si vous voulez. Pas n'importe quel danger. C'est un danger qui est énorme. C'est l'un des plus grands malheurs. C'est le plus grand malheur que peut toucher l'individu dans cette vie d'ici-bas, c'est que son cœur soit tourné et que sa vue, sa vision, ses yeux soient tournés aussi. Et de ce fait, il n'y aura pas le bien dans son cœur et de ce fait aussi, il ne verra pas le bien. Regardez les yeux qui sont mentionnés dans le verset. Même le bien qu'il voyait, il ne le verra plus, ce bien. Il verra l'inverse. Et c'est pour cela qu'ensuite, Shamla Thaymin, l'auteur du commentaire, va dire une parole, une très belle parole. Il va dire, et quel délice, et quel plaisir, quelle douceur de pouvoir reconnaître la vérité, de revenir à la vérité. Regardez ce qu'il nous dit. Il dit qu'en réalité, la personne qui revient à la vérité lorsqu'elle lui est exposée, il dit, il va trouver un délice et un plaisir. Il y a une douceur immense de revenir à la vérité. Même si, quel que soit le prix de cela, il dit, même si c'est à la base, ça vient contredire sa parole. Alors que par exemple, le fait qu'il ait la vérité lui est exposée à lui, et le fait qu'ensuite qu'il revienne à cela, ça va contredire sa première parole, ce qu'il disait, puisque là, il est face à l'évidence, et même si ça doit contredire ce qu'il disait, même si ça contredit sa personne, mais il dit, le fait que la personne va revenir à la vérité, lorsqu'elle lui est exposée à lui, alors il dit, il va trouver une douceur en cela. Il dit, quel délice et quel plaisir de revenir à la vérité. C'est pour ça, et ça nous sert à comprendre quoi? Sachez qu'il y a beaucoup de choses que les hommes en général, ne comprennent pas. Ce qu'il faut savoir, c'est que cet univers, il est géré par Allah, ce point-là. Allah, Jalla wa'ala, est le garant et le régisseur de cet univers. Et Allah, ce point-là, il fait ce qu'il veut. Il fait ce qu'il veut dans cet univers. C'est pour cela qu'il y a des règles qu'on appelle des règles qui sont universelles. C'est lui qui régit cet univers comme il l'entend, comme il le veut, Subhanahu wa ta'ala, Jalla Jalalu. Et ça fait partie de sa perfection et ça démontre ici, ça dénote son plein pouvoir, son pouvoir absolu et qu'il est le tout-puissant, Subhanahu wa ta'ala. Donc parfois, il y a des choses qui se passent dans cet univers, parfois on n'en a pas la compréhension. On ne sait pas. Ça fait partie du destin, fait partie de ce qu'Allah Jalla a prédestiné, a décrété. Allah Jalla est celui qui décrète et prédestine, Subhanahu wa ta'ala. Et ça fait partie de ses mystères, ça fait partie de ses secrets. C'est pour ça que nous, on ne peut pas s'immiscer dans ça plutôt. On ne peut pas rentrer dans cela, dans les mystères et les secrets qui n'appartiennent qu'à Allah Subhanahu wa ta'ala. Et par exemple, là, guider des cœurs, cela appartient à Allah Subhanahu wa ta'ala. Donc parfois, on voit des gens, par exemple, qui ne sont pas guidés. Et on s'est dit, oh, si cette personne, on a un voisin ou une voisine ou une personne qu'on connaît, par exemple, qu'on apprécie, oh, si seulement cette personne aurait été guidée. Mais si, pourquoi cette personne n'est pas guidée? Pourquoi cette personne n'est pas guidée? Mais sachez que vous ne pouvez pas comprendre ces choses-là. Seul Allah, c'est lui qui connaît, qui a la connaissance de cela. Pourquoi la personne n'est pas guidée? Allahu a'lam. Allah seul sait cela. Et Allah, Jalla wa Ala, on ne sait pas. Peut-être il peut faire que cette personne qu'on voit aujourd'hui qui n'est pas guidée, avant la fin de sa vie, elle va être guidée, et vous, vous n'avez pas la guidée. Qu'Allah nous en préserve. Peut-être qu'aujourd'hui, une personne qui a la guidée, eh ben, à la fin de sa vie, cette guidée lui sera ôtée et enlevée. Et peut-être que cette personne qu'on voyait qui n'était pas guidée, elle, elle sera guidée. Et donc, elle va revenir à la vérité. Pourquoi? Wallahu a'lam. Seul Allah connaît les causes. Mais regardez, par exemple, vous savez pas qu'une personne aujourd'hui qui n'est pas guidée, peut-être qu'elle n'est pas guidée, parce que la vérité lui avait été exposée, peut-être qu'elle n'a pas suivi la première fois que la vérité lui avait été exposée, peut-être que cette personne s'était enflée d'orgueil, peut-être que cette personne n'avait pas voulu reconnaître la vérité. Et donc, de ce fait, alors Allah Jalla wa'ala a détourné son cœur et ses yeux. On ne sait pas. Vous avez vu? Ça, c'est une cause parmi les causes. Sinon, nous, qu'est-ce qu'on sait? Qu'est-ce qu'on sait, nous? Nous, on sait que lorsque la personne cherche la guider, lorsque la personne qu'on voit désire ardemment, avidement, la vérité, Allah Jalla wa'ala va le guider vers la vérité. Et plus on accepte la vérité, plus Allah Jalla wa'ala va nous ouvrir les portes de la guider. Par contre, lorsque la personne lui cherche l'inverse, alors Allah Jalla wa'ala va lui faciliter l'inverse. La personne qui cherche plutôt, qui a un goût à l'errance et à l'égarement, eh bien Allah Jalla wa'ala va lui faciliter le chemin de l'égarement. Donc, vous avez vu? Donc, il y a des causes à effet. C'est pour ça que ça, il faut bien le comprendre. Et ça, ça nous aide à savoir que des fois, il y a des personnes qui ne sont pas guidées. Pourquoi? Parce que il y a des causes qui nous sont inconnues à nous, qu'on ignore nous. Mais Allah, Jalla wa'ala, a connaissance de tout. Et ça, c'est une cause qu'on vient de mentionner parmi énormément de causes. Et c'est pour cela que ça, ça va nous affermir sur un point très important. Allah, Jalla wa'ala, n'est pas interrogé au sujet de ce qu'il fait. Il ne faut jamais interroger Allah, Jalla wa'ala. La yus'alu amma yaf'al. Allah Jalla wa'ala n'est jamais interrogé au sujet de ce qu'il fait. Allah, il gère cet univers. Il est le garant de cet univers. Allah est le garant, celui qui pourvoit la subsistance des hommes, celui qui administre cet univers, celui qui fait ce qu'il veut dans cet univers. Et aucunement, Allah Jalla wa'ala est interrogé au sujet de ce qu'il fait. Mais Allah nous dit dans un verset, c'est plutôt nous qui serons interrogés. Nous, on sera interrogés au sujet de ce qu'on fait. Mais Allah Jalla wa'ala n'est pas interrogé au sujet de ce qu'il fait. Allah Jalla wa'ala, tout ce qu'il fait, c'est par justice et équité. Allah Jalla wa'ala n'est injuste envers personne, subhanahu wa ta'ala. Et tout ce qu'il fait, c'est par une sagesse qui est immense. Et c'est pour ça, ces choses-là, notre conception ne peut pas concevoir. Notre conception est limitée. Il faut juste avoir confiance en lui, subhanahu wa ta'ala. Et nous, qu'est-ce qui nous est demandé, nous? Nous, on sera interrogé sur quoi? Sur notre acceptation de la vérité. C'est tout. Mais il ne nous est pas interrogé d'interroger Allah, Jalla wa'ala. Et observez les communautés précédentes, observez les nations précédentes, beaucoup ont dévié du droit chemin, alors qu'Allah, Jalla wa'ala, leur a envoyé des prophètes et des messagers. Beaucoup se sont égarés quand est-ce, lorsqu'ils ont commencé à interroger Allah. Mais pourquoi il y a ça dans le monde? Mais pourquoi ceci est comme cela? Mais pourquoi s'est produit telle et telle chose? Ils ont commencé, mais pourquoi Allah fait telle et telle chose? Et pourquoi? Alors ils ont commencé à interroger Allah, Jalla wa'ala, au sujet de ce qu'il fait. Alors qu'Allah, comme on l'a dit précédemment, la yus'al, Allah n'est pas interrogé, subhanahu wa ta'ala. Nous, on sera interrogé, les hommes seront interrogés au sujet de leurs actes, mais pas Allah, subhanahu wa ta'ala. Et de ce fait, nous, qu'est-ce qui nous incombe à nous? À nous, parmi les choses qui nous incombent, nous, c'est que lorsque la vérité nous est exposée, ben, c'est de l'accepter. C'est pour ça que le grand savant de l'islam, Cheikh l'islam Ibn Taymiyyah, disait une belle parole. Celui qui n'accepte pas la vérité sera éprouvé par l'acceptation du faux. Retenez bien ça, c'est une règle. Hein. On peut considérer ça comme une règle, et c'est une très belle parole. Celui qui n'accepte pas la vérité, il sera éprouvé par l'acceptation du faux. C'est pour ça que vous voyez parfois des gens, alors qu'on leur expose la vérité, que ce soit dans un débat, que ce soit dans une discussion, que ce soit dans un dialogue, que ce soit par écrit ou autre, il y a des gens, vous voyez, la vérité, elle est claire. Tout le monde la voit. Tout le monde la voit. Tous ceux qui sont autour et qui écoutent, par exemple, le dialogue, la conversation, on voit tous la vérité, elle est où? Et vous voyez qu'une personne qui n'accepte pas cette vérité, il n'arrive pas à la concevoir, il ne l'accepte pas, il la réfute, ensuite il va dire des choses que personne ne peut comprendre, on voit clairement que c'est un égarement, c'est le seul à pas voir que c'est un égarement. Et souvent on voit ça. Pourquoi? Parce que la personne, du fait qu'il a réfuté et ne pas accepter la vérité, alors ensuite il sera éprouvé par l'acceptation du faux. C'est pour ça qu'on voit des gens, ils acceptent tout. Tout ce qui est faux, tous les mensonges, toutes les aberrations, ils les acceptent. Par contre, lorsqu'une chose claire, évidente, qui va dans le sens de la nature innée, de l'être humain, lui est exposée et elle est face à lui, on voit qu'il ne l'accepte pas. Il n'arrive pas à l'accepter. Alors que pour tout le monde, c'est clair, mais lui ne va pas l'accepter. Pourquoi? Parce que son cœur a été détourné et ses yeux ont été détournés. Donc voilà, on va s'arrêter là. C'est pour ça qu'on demande à Allah, on implore Allah qu'il nous guide vers le droit chemin. Vers le droit chemin. Et regardez Shir Ibn Al-Thaymin, il dit, c'est pour ça qu'on voit des gens et on demande à Allah Jalla Ouala qui nous épargne et qui nous guide vers le droit chemin, qui nous accorde la guider. Ils essaient toujours de polémiquer, de débattre, de rapporter n'importe quelle polémique pour défendre juste son opinion à lui, pour défendre juste sa parole. Pour pas être battu. Donc il y a des gens, juste le fait pour pas être battu et pour pas être vaincu à la parole, parce que par orgueil, par amour propre, par fierté, alors, parmi les causes, ils vont ne pas accepter la vérité. Et donc, ils vont réfuter la vérité. Ils vont repousser la vérité. Il ne faut jamais faire ça. C'est pour cela que c'est un gros travail à faire sur soi-même. Lorsque la vérité nous est face à nous, même si elle va à l'encontre de notre parole, il faut revenir à la vérité. Et il ne faut pas s'enorgueillir. Et il ne faut pas commencer à polémiquer pour rejeter cette vérité, pour défendre sa propre parole. Il y a des gens, ils savent parfois que leur parole, leur vérité est faute. Mais, comme on dit, il faut sauver la face. Alors pour sauver la face, pour sauver leur parole, alors ils vont défendre jusqu'au bout. Alors qu'ils sont en contradiction avec la vérité. Et il faut faire attention, pourquoi? Parce que ça, c'est jouer avec quelque chose de grave, c'est se mettre en danger. Parce que si, pour sa parole à lui, pour sa propre personne, pour sa fierté, il n'accepte pas la vérité, alors il peut être éprouvé par l'acceptation du faux et par l'égarement du fait que son cœur soit tourné et ses yeux aussi tournés. Voilà le sens de cela. On continuera, Inch'Allah, dans une prochaine allocution, puisqu'on s'était fixé, une trentaine de minutes. On a dépassé quelques minutes, on va se fixer toujours sur une trentaine de minutes pendant ces jours, et aussi à 20h. Donc à 20h hier, exceptionnellement, on a eu un problème technique. Sinon, les allocutions, Inch'Allah, pendant les 10 derniers jours seront à 20h, Inch'Allah. Et si on a un problème où on ne peut pas faire cette allocution, qu'elle passe par exemple à 20h, alors dans ce cas-là, on enverra un message pour que ça soit annulé. Pour que ce soit annulé, Inch'Allah. Sinon, on se donne ce rendez-vous, Inch'Allah, à 20h, bi-idhnillah, avec l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك.